Oui, effectivement. Très humain. Mathieu Berton, en fait, quand il m'a montré ces choses-là, lui, il les faisait pour que ça passe à spasme. Il faisait des films à Paris pour que ça passe à spasme. C'était pas mal ce qui le motivait dans le processus. Et ses alliés, ils avaient pas mal fait au Québec. Par la force des choses, on s'est parlé virtuellement. J'ai très, très hâte de le rencontrer en vrai. Ça va arriver un jour. Hein. Je dis ça depuis 6 ans. Mais bon, le film qui s'en vient, ça s'appelle Le Réserviste. Et vous avez reconnu un petit peu la même passion pour les montages d'entraînement. Le gars qui aime les explosions, le ralenti, tu sais, on peut pas en mettre trop des explosions, puis si tu penses qu'il y a trop de ralenti, tu te trompes. Donc, c'est toutes des thématiques avec lesquelles on se rejoint beaucoup. Et lui, le réserviste, ce qu'il voulait faire, c'était un refaisage à sa façon un petit peu de Deadly Prey, qui est un des plus grands films de tous les temps. Si vous n'avez jamais vu Deadly Prey, je vais vous le donner, ça va me faire plaisir. Vous avez juste à m'écrire autrement ou ailleurs. Tout le monde, ça devrait être au cursus de tous les cours de secondaire 5, selon moi. Deadly Prey, donc, c'est un film qui le fascinait. Et là, il m'a envoyé son scénario en me disant « T'as-tu des conseils? » Wow! T'sais? Fait que là, j'ai lu son scénario, il y avait... deux montages d'entraînement, une passe de blonde, tu sais, là, il tombe en amour, on sait pas trop pourquoi, puis après ça, ben, ça devient juste quelque chose qui va se faire kidnapper. J'ai pas dit quelqu'un, j'ai dit quelque chose, je parlais de la fille dans le film, tu sais. Là, elle va se faire kidnapper, puis là, lui, il va falloir qu'il se venge de manière personnelle après s'être entraîné ou s'être équipé. Il y a des séquences dans ce film-là. Ici, là, on est devant, mettons qu'il avait fait 20 minutes de plus, il aurait pu remplir des salles de cinéma. C'est un exercice de style un petit peu à la MacGruber, pour ceux qui ont vu le film du gars qui arrache des gorges. C'est un long métrage, ben moyen métrage. Là, on est devant 40 minutes de film que, en fait, je lui ai dit, je me rappelle pas les conseils que je lui avais donné, mes remarques, mais je me rappelle qu'ils avaient tous suivi. Fait que si le film est bon, c'est un peu grâce à moi. Non, on écoute surtout une œuvre conséquente d'un gars qui a fait ça à bout de bras. Il a payé, je me rappelle quand il parlait du héros qu'il voulait avoir, il en cherchait un qui était surtout, tu sais, genre sous-alimenté, anorexique, qui prenait trop de temps dans des gyms et qui était aussi acteur. Fait que moi, j'ai trouvé ça très beau parce que c'est ça qu'on veut voir dans ce genre d'activité-là. Et il me dit, ces personnes-là, ça se couche tôt. Tu sais, il avait comme créé un... En tout cas, c'est de toute beauté. Il y a plein de gens qui meurent. Je veux rien gâcher comme punch, mais pour vrai, à un moment donné, il ramasse un gars. Il coupe le bras d'un gars avec une machette. Puis là, il le ramasse, puis le bras tient encore le Uzi. Fait que là, il tue du monde en tenant le bras qui pointe le gun. Tu sais comment qu'on aime ça ici, ces petits détails-là. Donc, c'est avec une fierté que je ne suis absolument pas en train de cacher que je vous invite à savourer les 30 et quelques minutes qui s'en viennent. C'est Le Réserviste. C'est un produit du terroir français. Bravo, Mathieu Berton. Merci à vous d'être là.